Fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Cette semaine, au match du plan de show. Dans Télévision, une femme retenue captive embauchée par une chaîne télé. C'est quand même ironique qu'une femme captive va maintenant tenir les gens captifs devant leur télé. Dans le segment Geek Célix, une montre connectée qui analyse le ton d'une conversation. Est-ce qu'elle peut détecter le ton hautain de ceux qui ont une Apple Watch? Masse des blagues. Et dans Merci Science, un embryon chimère homme-cochon créé par les scientifiques. Le match du plan de show commence tout de suite. Hein? Voici celui qui essaie de ne pas faire de gags sur les hommes qui sont tous à moitié cochons. Mathieu Plante! Bonjour, bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 6 février 2017, de retour à la normale avec nos chroniques télévisuelles, Television, Television, chronique science, technologie, médecine, merci science, segment geek, CNX. Dans quelques instants, ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. On a débuté l'émission avec quelque chose de très spécial et c'est pas du tout dans le même mood que ce que je fais jouer d'habitude au Mathieu Plante Show. C'était en fait un arrangement exclusif, oui, de la chanson thème de Luigi's Mansion sur la GameCube avec de la voix. Ça provient de Nintendo Sound Selection Luigi B-Side Music Album. Vraiment intéressant comme principe. Chanté donc par le personnage de Luigi, qui est d'habitude joué par la voix de Charles Martinet. J'imagine que c'est pas lui qui chante la voix de Luigi sur cet album-là. Ça reste vraiment le fun à entendre. Justement, on va continuer avec quelque chose d'autre de plutôt particulier. C'est le site originalsoundversion.com qui vous a trouvé un cover mariachi de musique de jeux vidéo. Étrange, hein? En fait, c'est un groupe qui a fait plusieurs covers mariachi de différentes chansons de jeux vidéo. Il s'appelle Mariachi Entertainment System. Assez particulier. On écoute une pièce de The Legend of Zelda, A Link to the Past. Voici Dark World, version mariachi, MPS, le Mathieu Planchot. No, no, no. Are you on it? Did you play it now? I played most of it, and then I was like, I think I sped up. Start right where you left off. Entertainment System avec Dark World, The Legend of Zelda, A Link to the Past dans le Mathieu Plante Show. En passant, si vous voulez entendre d'autres chansons du Mariachi Entertainment System, ils ont fait entre autres des chansons de Final Fantasy, Chrono Trigger, Teenage Mutant Ninja Turtles, quoi d'autre, Castlevania, Kirby et un paquet d'autres sur leur page YouTube. Allez chercher Mariachi Entertainment System. Maintenant, c'est Television. Télévision de la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours habituellement, mais cette fois-ci c'est 14 parce qu'on a fait un spécial chiptune la semaine passée, donc il n'y avait pas de nouvelles du tout. On revient sur une nouvelle qui commence à dater, mais que je trouvais intéressante par sa stupidité. C'est pas Hugo Dumas qui est stupide, mais Hugo Dumas de La Presse qui lui rapporte le fait que la personne qui jouait le banquier a été dévoilée. Ouais. On sait depuis quelques semaines que le banquier ne reviendrait pas pour une nouvelle saison, mais Hugo Dumas de La Presse nous apprend qui se cachait derrière la vitre teintée de l'émission. La silhouette du banquier était celle du comédien québécois Pierre-Carl Trudeau, alors que la voix qui parlait à l'animatrice en direct, on pensait qu'elle faisait semblant, mais non, était celle de Stéphane Laporte, le grand complice de Julie Snyder depuis L'Enfer, c'est nous autres. Complètement ridicule. Pierre-Carl Trudeau, qu'on a vu entre autres dans 4 et demi et dans Entre 4 yeux. Si vous voyez sa photo, cherchez-la. On le reconnaît certainement, mais je trouve ça ça particulièrement ridicule qu'il jouait simplement la silhouette à la place de jouer les deux, ou encore de prendre exactement Stéphane Laporte pour faire la silhouette. Je comprends pas le principe d'avoir deux personnes pour ça, donc je devais en parler. Parlant de choses stupides, et dans ce cas-ci, je parle vraiment de TVA, TVA a refusé Unité 9 et District 31. Toujours Hugo Dumas qui révélait dans un article de la presse une information étonnante quand même, lui qui est reconnu pour ses nombreux scoops dans le milieu de la télé. Dans un article sur les reines du petit écran, Julie Snyder et Véronique Cloutier, le journaliste a révélé que le réseau TVA a passé son tour sur les séries Unité 9 et District 31 qui lui avaient été présentées en premier. Heureusement, ici, Radio-Canada a rattrapé ses projets prometteurs pour en faire des succès instantanés. Unité 9 en est à sa 5e saison en ce moment sur Radio-Canada Télé. La série dramatique toute féminine sur le milieu carcéral attire environ 1,7 million de téléspectateurs à chaque mardi soir. La série, qui est écrite par Danielle Trottier, a remporté de nombreux prix Gémeaux et Guylaine Tremblay a été souvent élue meilleure actrice au Gala Artiste pour son rôle marquant de Marie Lamontagne. District 31 connaît une popularité incroyable depuis sa première diffusion en septembre dernier. C'est plus de 1,2 million de personnes qui suivent les aventures des policiers de District 31 du lundi au jeudi. Il s'agit de la série la plus enregistrée à la télé québécoise. À l'écriture de Luc Dionne, les talentueux comédiens. Et on se demande si la série va garder sa popularité parce qu'on a appris récemment que les deux acteurs principaux, ma chérie d'amour Magali Lépine-Blondeau, c'est pas son nom complet, et Vincent Guillaume Otis seront éclipsés au profit d'autres comédiens dans les prochaines saisons à la manière de l'autre émission, là, de quoi avec les profs, là. Vous savez de quoi je parle. TVA, donc, aujourd'hui, qui doit peut-être regretter. En même temps, je pense qu'ils sont pas vraiment à plaindre. C'est pas ces séries-là qui les auraient mis sur la map, TVA, mettons. On reste au Québec, où Marc Labrèche a décidé de ramener ses populaires sketchs dans son émission qu'il a présentement, Info Sexe et Manchon et Manchonge. Le bye-bye qui a redonné goût apparemment aux comédiens et animateurs de faire dans la caricature après l'imitation de Céline Dion et de José Lito Michaud par Marc Labrèche dans le premier épisode de la saison hivernale de son émission Info Sexe et Manchon. Et je tombe à la misère avec le mot mensonge. Nous avons eu l'espoir de revoir dans ces fameux sketchs, nous dit showbiz.net. Hugo Dumas, encore le même, affirme que le comédien et animateur a décidé de ramener ses populaires segments humoristiques dans son émission. On précise que plusieurs éléments faisaient défaut à Info Sexe et Mensonge selon les critiques. L'absence de sketch en faisait d'ailleurs partie. Donc l'épisode le plus récent nous a redonné l'espoir. Lui qui, en fait, on jugeait, les critiques disaient que ça se rapprochait un petit peu trop de Last Week Tonight with John Oliver, à l'émission de HBO, dans les éditoriaux et les commentaires. Ça s'éloignait de ce que Marc Labrèche faisait, que les gens aimaient le plus. Bref, c'est, selon la presse encore une fois, son travail sur le dernier bye-bye qui aurait encouragé Labrèche à ressortir ses perruques et ses costumes. Jean-François Chagnon, le réalisateur de Like Moi, a été recruté par l'équipe d'Info Sexe et Mensonges afin d'y insuffler un brin supplémentaire de folie. Au bulletin commenté a été ajouté un segment intitulé La taverne culturelle qui permettra d'effleurer les récentes nouvelles du monde artistique. On mentionne que l'humoriste Maud Landry a fait un bon travail la semaine précédente à l'article dans le rôle d'une chroniqueuse culturelle pince sans rire. On rappelle que Info Sexe et Mensonges a été renouvelé pour une deuxième saison de 20 épisodes. Au Canada maintenant, nouveau souffle culturel à Radio-Canada, nous dit la presse encore une fois. Après des années d'austérité, la culture a de nouveau le vent dans les voiles à Radio-Canada, qui travaille depuis l'automne dernier à une nouvelle stratégie culturelle. Au programme, la diffusion sur Ici Radio-Canada Télé de Tartuffe le 19 février. Du théâtre à Radio-Canada, comme dans le temps. Et du concert classique La Force du Destin de l'Orchestre Métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin le 7 avril. Et tout ça aux heures de grande écoute, en prime time. On parle pas d'après-midi ou de nuit ici, là. Le diffuseur public mettra également en ligne le 9 février une toute nouvelle section consacrée au cinéma sur son site internet et proposera au mois de mars une émission spéciale sur le Wakipony mobile. Là, il y a plein de commentaires de différents gens de Radio-Canada, sautons quelques paragraphes, pour dire qu'une autre nouveauté à la fin du mois de mars sera une émission spéciale consacrée à la présence autochtone, dans laquelle on retrouvera notamment le rappeur et comédien Samian. La musique classique sera également à l'honneur le 7 avril à 19h avec la diffusion de la première partie de La Force du Destin. Le concert sera précédé d'une mise en contexte et d'une entrevue avec M. Yannick Nézet-Séguin. Tant mieux, ça fait tellement longtemps que j'entends dire et que je dis moi-même que Radio-Canada était rendu beaucoup trop populiste avec ses concours de stepette, de n'importe quoi, là. On revient à la culture, proprement dit, peu importe. Alors, on va aux États-Unis maintenant, où Bryan Singer va réaliser un pilote de X-Men pour la télé. Bryan Singer qui replongera dans l'univers des X-Men, mais cette fois à la télé. Celui qui a réalisé et produit la majorité des films de la série a accepté de tourner une émission pilote en vue de la création d'une série tirée des aventures des super-héros mutants pour le réseau Fox. Le scénario signé Matt Nix tournerait autour d'une famille ordinaire dont les enfants ont des pouvoirs particuliers. En fuite, parce qu'elle est recherchée par le gouvernement, la famille rejoindra un réseau clandestin de mutants. On rappelle que Bryan Singer a tourné les deux derniers X-Men, Days of Future Past et Apocalypse, à Montréal. Ensuite, tiens, j'ai parlé de Shows People tantôt. Parlons-en encore. Rihanna qui va faire ses débuts au petit écran dans Bates Motel. Après Lady Gaga dans l'autre série, c'était quoi? C'était dans American Horror Story. Donc, la chaîne A&E a dévoilé la bande-annonce de la cinquième et ultime saison de sa série Bates Motel, dans laquelle apparaît la chanteuse Rihanna dans le rôle mythique de Marion Crane. Le 20 février prochain, Bates Motel reviendra à la télé américaine avec sa dernière saison. À l'antenne depuis 2013, le drame rejoindra enfin l'action du film culte d'Alfred Hitchcock, Psychose, dont il est un antépisode. C'est donc logiquement que les téléspectateurs découvriront le personnage de Marion Crane, le rôle rendu célèbre par Janie Lee en 1960, son assassinat sous la douche, spoiler, par le propriétaire du motel Norman Bates, campé par Anthony Perkins dans le film, est devenu l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du 7e art. Mais selon Carlton Cuse, le créateur de Bates Motel, la fin de la série ne sera pas calquée sur celle du film. Il faudra donc attendre le 20 février et la diffusion des 10 épisodes pour découvrir le sort réservé à cette nouvelle Marion Crane. Rihanna, qui joue pour la première fois dans une série télé, donnera la réplique à Freddie Highmore, star du drame et interprète de Norman Bates. Toujours aux États-Unis, une série dérivée pour les Goldbergs. Le réseau américain ABC a confirmé qu'il développe un pilote pour une comédie spin-off pour The Goldbergs, son sitcom familial qui est actuellement en sa quatrième saison. Le spin-off ou série dérivée, sans titre présentement, de Sony Pictures Television, est issu du créateur de The Goldbergs, Adam F. Goldberg, et du producteur Mark Fierick. Les deux produiront la comédie à une seule caméra, donc contrairement à une sitcom filmée devant public, là, avec Doug Robinson de Happy Madison et Seth Gordon de Exhibit A. Le pilote se déroulera dans les années 90 et suivra deux professeurs de lycée qui deviennent des figures paternelles improbables pour les enfants de leur école de Philadelphie. La sitcom a été lancée sur ABC, on parle de The Goldbergs ici, en 2013, et la série retrace les événements marquants de la jeunesse de Adam, maintenant adulte, durant les années 80 au sein d'une famille hors norme mais aimante. ABC qui est également en train de préparer un autre dérivé pour sa comédie familiale Blackish. Toujours aux États-Unis, NBC commande un pilote basé sur le film What About Bob, mais en version féminine. Oui, qui va s'appeler, au lieu de What About Bob, ça va être What About Barb. Hein? Donc avec un rôle féminin, selon Variety. Le pilote va suivre un psychothérapeute, ça précise pas le sexe en fait, qui essaie de couper les ponts avec son patient un petit peu trop exigeant, qui évidemment ne réussit pas, et gosse toute la famille du psychologue. Donc une comédie à une seule caméra avec l'auteur Joe Port, qui va être aussi producteur exécutif avec Joe Weissman. C'est ABC Studios qui va produire. Port et Weissman ont pas mal d'expérience dans le domaine de la télé et de la comédie, entre autres Drôle de couple, The Odd Couple et The Crazy Ones sur CBS avec Robin Williams, Last Man Standing sur ABC, New Girl sur Fox et 1600 Penn sur NBC. La vedette évidemment de What About Bob était Bill Murray, Richard Dreyfuss était là-dedans aussi. En 91, que ça s'est passé, ça fait presque 68 millions de dollars au box-office. Voilà, donc What About Barb dans les prochaines années. Oprah Winfrey devient collaboratrice à 60 Minutes. Elle a été nommée collaboratrice spéciale de l'émission de nouvelles de CBS News. L'animatrice et femme d'affaires participera à des reportages occasionnels du magazine d'information à compter de l'automne 2017, alors qu'il lancera à sa 50e saison en ondes. Le producteur exécutif Jeff Fager a décrit Oprah Winfrey comme étant une femme remarquable et talentueuse, avec une intégrité qui lui permet de se démarquer et qui fait d'elle un ajout parfait à 60 Minutes. Oprah Winfrey a indiqué que son objectif avec ses reportages sera de regarder ce qui nous sépare et aider à faciliter des conversations véritables avec des gens de différents horizons. Je pense que si quelqu'un est bien placé pour faire de bonnes entrevues, c'est bien Oprah Winfrey. Parlant de Oprah, la nouvelle série du réseau OWN, qui est son Oprah Winfrey Network, une chaîne de télé à son nom, Greenleaf, donc, va être diffusée sur Netflix dans le marché international. L'accord conclu avec le producteur de l'émission Lionsgate signifie que de nouveaux épisodes seront disponibles pour les clients de Netflix en dehors des États-Unis et du Canada. On se rappelle qu'au Canada, il y a aussi une version de OWN. Ça va être un jour après leur diffusion, qui commence le 15 mars au Canada et aux États-Unis. Les 13 épisodes de la saison 1 seront disponibles sur le service de streaming à partir du 3 mars. Greenleaf, résumé, les secrets de la famille Greenleaf, dont le père, l'évêque James Greenleaf, est le fondateur d'une église comptant de nombreux fidèles. La série met en vedette Merle Dandridge, Kim Hawthorne, Desiree Ross, Laman Rocker, Ty White, Lynn Whitfield, Deborah Joy Winans, Keith David, Lovie Simone et Greg Allen Williams. La série a reçu des critiques positives, la plupart qui louangent Dandridge, Whitfield et les performances de David. La première de la série a attiré 3,04 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le début le plus populaire de l'histoire de OWN. Le 21 avril 2016, la série a été renouvelée pour une deuxième saison avant la première à la télé. Lionsgate qui produit l'émission en collaboration avec Harpo Films, qui est la compagnie de Oprah, et Pine City. La série est une création de l'auteur Craig Wright pour OWN. Greenleaf qui regarde donc l'histoire d'une famille derrière une méga église de Memphis à surveiller Greenleaf. Toujours, non, on va sur Internet maintenant pour Netflix qui reboot Queer Eye for the Straight Guy, hein, pour une nouvelle saison. Donc Netflix qui ramène pas mal de séries des gardes-robes. C'est peut-être un petit peu trop gay comme référence, mais donc des émissions du passé qui reviennent en ligne, donc comme Gilmore Girls, The Full House, One Day at a Time et plusieurs autres. Et bien maintenant Netflix commence à faire de la télé-réalité en 2017. Une des premières émissions qui a été annoncée, c'est un reboot de la série de 2003 de Bravo, Queer Eye for the Straight Guy. En français, ça avait un nom bizarre, c'était genre à TQS, c'était genre Escouade Gay ou quelque chose comme ça, c'était vraiment nul comme titre. Je me rappelle que ça jouait en français. Bref, Netflix a dit qu'ils ont commandé donc 8 épisodes de ce reboot. La production va débuter ce printemps. De retour seront les co-créateurs de Queer Eye, David Collins et Michael Williams de Scout Productions, qui vont être producteurs exécutifs avec Rob Eric de cette même compagnie. Il n'y a pas d'information de casting pour l'instant, par contre on sait qu'il va y avoir un tout nouveau quintet de stylistes. Ce ne sera pas les mêmes que dans la série d'origine. Netflix dit que les États-Unis sont divisés de plus en plus. Donc une équipe de 5 hommes braves vont essayer de nous rapprocher en riant avec du cœur et juste assez de crème hydratante. Donc l'équipe gagnante de Queer Eye est de retour et on va make America fabulous again, comme dirait leur slogan. Un nouveau Fab Five et puis une nouvelle mission. On va passer du Big Apple. Ouais, c'est ça. On va passer du Big Apple à tous les états rouges pour les transformer en états roses, disent-ils. Donc, ITV Entertainment qui produit et David Eilenberg va être le producteur exécutif. On se rappelle que Queer Eye a été une grande, grande sensation de la télé-réalité en 2003 lors du lancement. Ça fait des vedettes de Carson Kressley, Ted Allen, Jay Rodriguez, Tom Felicia et Kian Douglas. Netflix prévoit lancer 20 séries sans script, donc des séries de télé-réalité, entre autres, en 2017. Il va aussi y avoir Ultimate Beastmaster qui s'en vient avec une version américaine. Différentes versions. En fait, il va y avoir 6 versions de Ultimate Beastmaster. On avait déjà parlé pour les États-Unis, le Brésil, la Corée du Sud, le Mexique, l'Allemagne et le Japon. Producteur exécutif qui sera Sylvester Stallone. Queer Eye est la première série sans script à être annoncée par Netflix depuis que la compagnie a amené le président de Universal TV, Bela Baharia, pour surveiller le développement d'émissions de télé-réalité. Donc voilà, beaucoup de détails. Queer Eye qui revient. Ensuite, on va à l'international. Maintenant, une série sur Hugo Chavez qui est interdite au Venezuela. Le Venezuela a interdit El Comandante, une nouvelle série télé qui retrace la vie du bouillonnant Hugo Chavez, jugeant que cette production américaine portait atteinte à la mémoire de l'ancien président socialiste vénézuélien. Lancée en Colombie récemment, où elle a été tournée, cette série de 60 épisodes devait être diffusée à partir de mardi. Là, on parle de quelle date, tout le temps mêlant que les dates. Là. 31 janvier, c'était quelle date un mardi? Bon, donc à partir du 31 janvier. Dans plusieurs autres pays d'Amérique latine et aux États-Unis, où vit une importante communauté latino, mais dans la patrie de Chavez, la Commission nationale des télécommunications, le CONATEL, a interdit sa diffusion et lancé une campagne sur Twitter pour dénoncer les opérateurs récalcitrants, en disant, je cite, « Ici, on ne dit pas du mal de Chavez. » Lors de ses récents discours, le président vénézuélien et héritier politique de Chavez, Nicolas Maduro, a qualifié cette production de « ramassis de déchets ». Le ministre de la Culture, Alan Chavez, le frère de l'ancien chef de l'État, qui était chef d'État entre 1999 et 2013, a annoncé la mise en production de 2 projets, un film, Chavez El Comandante, et une série intitulée Le Vrai Chavez. La télévision d'État vénézuélienne devait diffuser plusieurs documentaires sur Chavez à compter du 31 janvier. Dans la production de Sony Pictures Television, le personnage de Hugo Chavez était interprété par l'acteur colombien Andrés Parra, qui avait endossé le rôle du baron de la drogue Pablo Escobar dans la série Le Patron du Mal. Moïse Naïm, l'auteur de El Comandante, est éditorialiste et ancien ministre du développement vénézuélien, opposant notoire de Hugo Chavez et de l'actuel président Nicolas Maduro. Depuis des mois, une grave crise économique frappe le Venezuela. Elle est liée à la chute des cours du pétrole, son unique richesse, qui a fait exploser l'inflation de 475% en 2016 selon le FMI, et vider les supermarchés et les pharmacies. Pour le président Maduro, la crise que traverse le pays s'explique par un complot capitaliste orchestré par les États-Unis. L'opposition de droite juge pour sa part qu'elle est due aux 18 années de gouvernance socialiste sous Hugo Chavez puis sous Nicolas Maduro. Donc, article qui lui provient de La Presse. Une femme retenue captive a été embauchée par une chaîne de télé, nous dit l'Associated Press. Une femme qui a réussi à s'enfuir d'une maison où elle a été gardée en captivité pendant une décennie en compagnie d'autres femmes se joint à l'équipe d'une chaîne de télévision de Cleveland dans l'espoir de braquer les projecteurs sur d'autres cas de personnes disparues. Amanda Berry a dit espérer que son segment quotidien qui sera diffusé par la chaîne WJW-TV aidera à retrouver des personnes disparues et offrira de l'espoir à leurs proches. Les segments seront diffusés pendant les bulletins de nouvelles. Amanda Berry parlera de cas différents chaque jour et expliquera comment les téléspectateurs peuvent aider les familles et les enquêteurs à les chercher. Amanda Berry, Gina De Jesus et Michelle Knight ont été agressées par Ariel Castro avant de fuir la résidence où elles étaient captives en 2013. Amanda Berry a également donné naissance à la fille de Castro qui s'est pendue dans sa cellule après avoir été condamnée à la prison à perpétuité. Une méchante histoire, je me rappelle quand c'est sorti, c'était wow, beaucoup trop de détails. Et finalement, on passe de la télé à la radio, comme on n'a pas de chronique radio. La radio qui demeure extrêmement populaire au Canada français, selon une étude du Bureau de la publicité interactive du Canada. Dans un texte d'Infopresse qui cite l'étude French Canada's Media Landscape and Metrics, on apprend entre autres que la télé est la reine incontestée en termes de portée et qu'elle rejoint pas moins de 99% des Canadiens francophones. Ironique, puisqu'il n'y a pas si longtemps, d'aucuns prétendaient qu'elle était en plein déclin, nous dit l'Alliance des radios communautaires du Canada. On prédisait même sa mort à plus ou moins brève échéance. Même chose d'ailleurs pour la radio. Plusieurs annoncent sa mort dans un horizon pas si lointain, mais ça débrouille encore très bien. On apprend dans l'étude en question que la portée de la radio n'a baissé que de 3% ces 15 dernières années chez les Canadiens francophones. La radio atteignait 90% de la population canadienne française l'an dernier, alors qu'elle en rejoignait 93% en 2001. Donc perdre 3% de sa portée en 15 ans n'est pas vraiment une déchéance, nous rappelle l'ARC. Pas étonnant d'ailleurs que le CRTC ait demandé aux télé et aux radios canadiennes de se doter d'équipements pour diffuser des alertes de sécurité publique automatisée. C'est fou, on a aussi un. C'est que contrairement à ce qu'essaient de vous entrer dans le crâne plusieurs experts du web et du marketing, ici je cite encore l'ARC, la télé et la radio sont et demeurent les deux médias qui permettent d'atteindre le plus de monde. Mais pourquoi certains professionnels de la publicité ne le comprennent-ils pas? Nous demande l'article. Difficile à expliquer, il faudrait leur demander à eux. Loin d'être morte et enterrée, la radio continue au contraire d'atteindre une forte proportion de la population de plus en plus sur une multitude de plateformes dont l'Internet, bien sûr. La radio qui atteint donc 9 Canadiens francophones sur 10, et elle se transporte également de nos jours sur PC ou encore sur les téléphones intelligents par le biais du streaming. Voilà donc pour un article de l'Alliance des radios communautaires. Je les aime bien, même s'ils écrivent des articles plutôt boiteux. C'est tout pour la chronique Television. Tout à l'heure, ce sera Merci Science. Avant ça, par contre, on écoute un arrangement qui nous provient de Schnaboula. Schnaboula. C'est sur un album qui s'appelle Nest Jams. Et c'est un remix d'une pièce de Mega Man 3. Donc voici Gemini Man, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. À la radio et sur Internet sur cestfou.ca. We'll be right back.

vraiment dire que c'est comme mais c'est le jeu. Là. Ouais, mais je suis seul en Amérique du Nord qui le joue. Ouais. Toi, t'as le record du monde aussi? Non. C'est l'Européen qui l'a. Mangez le marbre. Non, parce que le gars, il m'aide beaucoup. Okay. On échange beaucoup pour essayer d'optimiser le jeu, amener d'autres mondes à le jouer. Mm-hmm. Donc, ça, c'est très bien. Et après ça, je vais faire World of Illusion, Staring Mickey Mouse and Donald Duck. Ça, je t'ai vu jouer à ça, c'est le fun. Oui, ça aussi, je suis dans les top au monde dans ce jeu-là. Donc, c'est le fun si ça allait être accepté. Et pour un peu le LOL, entre guillemets, je vais faire la catégorie un joueur, deux manettes. Oh, oui. Donc, je vais jouer le coop, mais tout seul. Donc ça, c'est tout le monde a hâte de voir ça. Mm-hmm. Et j'avais le record du monde à 27 minutes 43. Et là, je me suis repratiqué un peu pour me préparer pour l'événement. Et j'ai diminué le record à 24 minutes 22. Ça veut dire que tu fais tout le jeu avec les deux manettes en même temps. C'est ça. En quoi? Faut que tout le temps que les deux personnages se suivent. Se suivent, ils n'ont pas à interagir. Oui, en plus. Oui. Donc, je peux pas juste prendre une manette, avancer avec un, prendre la manette, avancer avec l'autre. Ça serait plate. Je peux pas. Ben, il y a des jeux qui se font de même. Que t'as One Player, Two Controllers, puis ils peuvent faire ça à cause de ça. Ouais. Non, ouais, c'est quand même impressionnant. Ouais. Parce qu'il faut quand même que t'apprennes toutes des deux. Mm. Mais c'est que là, moi, je dois tout le temps faire les deux en même temps. Ouais. Avec tes pieds? Non, avec mes mains. C'est juste que j'ai une manière de tenir les manettes. Tu vas avoir de l'arthrite tellement jeune. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Je pense que oui, mais je fais ce que j'aime. Il va y avoir de l'arthrite live sur Twitch. Ouh! En 2020. Donc, c'est ça. Puis je vais te dire comment ça a été à ma prochaine chronique. Génial, lors deux semaines. Oui. Salut, Gérard. Merci. Fait plaisir. Génial Liberté, jeudi à 9h30. Toujours fidèle au poste. Merci, Sam. Fait plaisir. Bye. Bye. Malevolent Mansion! Un remix électronique de Mad Monster Mansion du jeu Banjo-Kazooie par Soul Signal et Neko Frog au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est Merci Science! Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On commence par la schizophrénie, la nicotine comme possible traitement. Beaucoup de schizophrènes présentent une dépendance à la nicotine et utilisent la cigarette pour se soulager de leurs symptômes. Dans un modèle de souris, les chercheurs français décrivent comment la nicotine agit sur le cerveau, laissant entrevoir les possibilités de traitement. Il a été constaté que les patients schizophrènes avaient fréquemment recours au tabagisme comme automédication pour compenser les déficits dus à leur maladie ou pour les soulager des lourds effets secondaires de leur traitement comme la léthargie et la perte de motivation. Le cortex préfrontal, la région associée à la cognition, la prise de décision et la mémoire de travail, est une des zones altérées chez les patients présentant des troubles psychiatriques comme la schizophrénie qui peuvent s'accompagner d'un tabagisme intensif. Dans une situation non pathologique, l'activité du cortex préfrontal est modulée par des neurotransmetteurs, l'acétylcholine, via les récepteurs nicotiniques situés à la surface des cellules nerveuses. Les récepteurs à acétylcholine, également appelés récepteurs nicotiniques, sont situés dans la membrane cellulaire et sont sensibles aux neurotransmetteurs. Ils agissent comme des ports de communication entre le milieu intérieur de la cellule et l'extérieur. Ils sont impliqués dans diverses fonctions du système nerveux central, en particulier dans le contrôle des mouvements volontaires, la mémoire, l'attention, le sommeil, la douleur ou encore l'anxiété. La nicotine est un des agonistes de ces récepteurs, c'est-à-dire qu'elle agit sur ses cibles à la place de l'acétylcholine. Récemment, la mutation génétique CHRNA5, codant pour une sous-unité du récepteur nicotinique, a été identifiée comme étant associée aux troubles cognitifs des schizophrènes et à la dépendance au tabac. Dans cette étude, les chercheurs de l'unité de neurobiologie intégrative des systèmes cholinergiques de l'Institut Pasteur, le CNRS, dirigé par Uwe Maskos, en collaboration avec des chercheurs de l'ENS et de l'INSERM, ont introduit le gène humain CHRNA5 chez la souris afin de reproduire les déficits cérébraux caractéristiques de la schizophrénie, à savoir les troubles comportementaux lors des interactions sociales et des tâches sensorimotrices. Grâce à une technique d'imagerie in vivo et avec une nouvelle méthode d'analyse computationnelle, les chercheurs ont pu constater une activité diminuée des cellules du cortex préfrontal chez les individus portant la mutation CHRNA5. Ils sont parvenus à identifier précisément le type cellulaire dont l'activité était affectée par la mutation génétique. Il s'agit des interneurones, des petits neurones qui établissent des connexions entre les réseaux de neurones. Ces travaux parus dans Nature Medicine sont soutenus par les institutions mentionnées ci-dessus et bénéficient en outre de financement des laboratoires d'excellence Biopsie et IEC de l'INCa de la région Île-de-France. Donc, allez voir les détails sur assemblagerequis.com. Maintenant, on parle d'asthme. La charcuterie aggraverait les symptômes. La consommation de charcuterie est associée à une aggravation des symptômes de l'asthme, indépendamment du rôle de l'obésité dans cette affection. C'est le résultat d'une étude de l'INSERM qui a suivi 1000 personnes durant 7 années. Donc, la consommation de charcuterie, récemment classée cancérogène par l'OMS, a déjà été associée à une augmentation du risque de bronchopneumopathie chronique obstructive, le BPCO, mais son association avec l'asthme n'avait jamais été mise en évidence. Certains faisceaux d'indices, comme le fait qu'une modification des habitudes alimentaires ou que l'augmentation de l'obésité au cours du temps était impliquée dans l'asthme, ont conduit les chercheurs de l'INSERM, unité INSERM AMP68, vieillissement et maladies chroniques, approche épidémiologique et de santé publique, à s'intéresser de plus près à cette question. Une analyse a été conduite grâce aux données de l'étude EGEA sur presque 1000 participants suivis pendant 7 ans. Les personnes incluses dans la cohorte étaient âgées en moyenne de 43 ans. Au cours du suivi, 20% ont rapporté une aggravation de leurs symptômes d'asthme. Afin d'en comprendre les raisons, oui, les chercheurs de l'INSERM se sont intéressés à leur régime alimentaire. Il fallait avant ça éliminer le paramètre obésité qui aurait pu fausser les résultats, comme l'IMC est un facteur de risque déjà identifié dans la survenue de l'asthme. Il était effectivement donc plausible qu'il représente un intermédiaire causal entre les effets du régime alimentaire que souhaitaient regarder les chercheurs, en l'occurrence la consommation de charcuterie, et l'asthme. Les scientifiques ont donc pris en compte ce paramètre pour ajuster leurs résultats en utilisant une méthode d'épidémiologie récente, dite de MMS, pour modèles marginaux structuraux. Les résultats de l'étude ont montré qu'une consommation élevée de charcuterie au moins 4 fois par semaine était associée de façon directe à l'aggravation des symptômes de l'asthme. Et seulement 14% de l'association entre la consommation de charcuterie et l'asthme était expliquée par l'obésité, un effet indirect. Ces nouveaux résultats élargissent l'effet direct de l'alimentation sur l'asthme chez les adultes. Afin de préserver la santé respiratoire des populations, il conviendrait de mettre en place rapidement des messages de santé publique visant à limiter la consommation de charcuterie, nous dit la principale co-auteure de ces travaux qui sont publiés dans la revue Thorax. Des patients entièrement paralysés communiquent pour la première fois grâce à une interface neuronale. Des patients victimes du syndrome d'enfermement complet ont pour la première fois pu communiquer en répondant à des questions par oui ou par non. De quoi aider à améliorer un tant soit peu la vie de ces personnes prisonnières de leur corps. Donc c'est une première des personnes atteintes d'un syndrome d'enfermement complet qui s'appelle en anglais le Complete Locked-In State. On peut répondre à des questions par la pensée grâce à une interface neuronale. Une expérience réussie par une équipe du Vice Center for Bio and Neuroengineering de Genève en Suisse, emmenée par le professeur Niels Birnbaumer. Dans un article publié par la revue Plus Biology, ces scientifiques expliquent qu'ils ont travaillé avec 4 personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, souffrant de la version la plus extrême du syndrome d'enfermement. En effet, on distingue 2 stades dans le syndrome d'enfermement. Le locked-in, dans lequel la personne est totalement paralysée, mais peut bouger ses yeux verticalement et cligner des paupières. Et le locked-in dit complet, dans lequel même les mouvements oculaires sont impossibles. Grâce à un dispositif combinant l'électroencéphalographie, qui est le casque EEG, et la spectroscopie dans le proche infrarouge, les chercheurs ont pu identifier l'activité électrique et l'oxygénation du cerveau associée aux réponses oui et non, exprimées en pensée par les patients. Pour parvenir à ce résultat, l'équipe du professeur Birnbaumer a commencé par poser à plusieurs reprises des séries de questions dont les réponses étaient connues. Par exemple, est-ce que Londres est la capitale de la Grande-Bretagne ou est-ce que Paris est la capitale de la Grande-Bretagne? En analysant ces réponses avec un ordinateur, les chercheurs ont pu isoler l'activité cérébrale correspondant aux réponses oui et non. Après ça, ils ont pu passer à des questions d'ordre personnel. Alors qu'on leur demandait si elles étaient heureuses, question réitérée sur plusieurs semaines, ces 4 personnes ont constamment répondu par l'affirmative, donc oui. Une réponse qui a de quoi surprendre et que le professeur Birnbaumer attribue à l'instinct de survie de ses malades. Dans un autre cas, la famille de l'un des participants a voulu lui demander s'il accordait à sa fille son consentement pour qu'elle épouse son petit ami. Par 9 fois sur 10, la réponse a été non. Cette étude a permis de battre en brèche l'idée que les personnes en syndrome d'enfermement complet n'étaient pas en mesure de communiquer. N'est-ce pas fascinant? Ensuite, les virus se parlent et prennent des décisions de groupe. Oui, les virus, c'est ce qu'ils font. C'est pas un scénario de science-fiction, comme nous dit cet article de la presse. Non, de l'agence Science Presse, pardon. Mais le résumé d'un travail d'espionnage microscopique. Les chercheurs en virologie, l'étude des virus, détaillent en effet dans la revue Nature l'existence de signaux chimiques qui laissent derrière eux des virus et qui permettent à leurs congénères de savoir à quel moment attaquer une bactérie. On savait déjà que les bactéries se parlent, elles aussi, par des signaux chimiques, ce qui leur permet, entre autres choses, de réguler leur population en fonction des ressources disponibles. Mais le problème avec les virus, c'est qu'au contraire des bactéries, ils n'ont une vie propre qu'une fois qu'ils ont infecté un être vivant. Pour la première fois, on a donc avec cette étude la preuve qu'ils sont suffisamment conscients de leur environnement pour s'y adapter et de surcroît en groupe. Comme la recherche concerne des virus qui s'appellent PHI3T, qui infectent une bactérie, Bacillus subtilis, reste à voir si on pourrait observer cette conversation de groupe à plus grande échelle lorsqu'un virus comme celui du sida infecte un être humain, par exemple. Ensuite, des médicaments électroniques qui carburent à l'acide gastrique. Une équipe du MIT a développé un microgénérateur électrique pouvant être alimenté par l'acide chlorhydrique présent dans l'estomac. Il pourrait faire fonctionner des capteurs ou des pilules électroniques chargées de diffuser un traitement dans notre organisme. La plupart des piles et des batteries fonctionnent à partir d'acide. Une expérience scientifique souvent pratiquée à l'école illustre bien ce principe, celle de la pile au citron. Si on prend un demi-citron, qu'on plonge dans la pulpe un morceau de zinc et un autre de cuivre, ça permet de produire et faire circuler du courant en utilisant l'acide citrique en guise d'électrolyte. Vous pouvez aussi vous amuser à alimenter de petits appareils électroniques ou à faire fonctionner une lumière LED. C'est en s'inspirant de ce procédé, que les chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology et du Brigham and Women's Hospital aux États-Unis ont conçu un microgénérateur alimenté par l'acide chlorhydrique produit par l'estomac. Selon eux, ce dispositif pourrait permettre de faire fonctionner des capteurs ou des pilules électroniques chargées de diffuser un traitement en proposant une source d'énergie plus sûre pour l'organisme qu'une pile ou une batterie miniature. Ils ont donc fabriqué un microgénérateur de la taille d'une gélule de 40 mm de long pour 12 mm de large, contenant un capteur de température et un transmetteur radio 900 MHz. Le tout est relié à des languettes de cuivre et de zinc collées sur la partie externe de l'enveloppe. Au contact de l'acide de l'estomac, ces 2 pièces se conduisent comme des électrodes et permettent de la circulation du courant qui va alimenter le dispositif. Des essais ont été conduits avec des porcs. Une fois dans l'estomac, la gélule électronique s'est mise à fonctionner en envoyant toutes les 12 secondes des informations sur la température et un récepteur sans fil placé à 2 mètres de distance. Une fois passé dans l'intestin grêle, dans lequel l'acidité est moindre, le microgénérateur est tombé à environ 1% de sa capacité initiale, mais il est resté opérationnel. Les chercheurs estiment que le capteur pourrait continuer à recueillir et transmettre des informations à des intervalles plus longs. Il pense également qu'il pourrait aller plus loin dans la miniaturisation en réduisant la taille à environ un tiers des dimensions actuelles. L'équipe du MIT envisage plusieurs déclinaisons sous forme de capteurs de signes vitaux ou de médicaments chargés de diffuser un traitement. Au cours de leur étude, ils ont d'ailleurs utilisé leur microgénérateur pour déclencher la diffusion d'un médicament encapsulé dans une feuille d'or. Les auteurs de cette étude, qui a fait l'objet d'un article paru dans la revue Nature Biomedical Engineering, avaient déjà développé plusieurs médicaments électroniques. L'un d'entre eux était une pilule qui, une fois dans l'estomac, s'ouvrait comme une étoile pour diffuser un traitement contre le malaria. On avait parlé de ça dans Merci Science à l'époque. Un autre dispositif dont Futura avait déjà parlé sur Internet consistait en une pilule stéthoscope capable de surveiller la température, le rythme cardiaque et la respiration. Je crois qu'on avait parlé de ça aussi à Merci Science. Ensuite, deux bébés qui auraient guéri grâce à l'immunothérapie. C'est une première au Royaume-Uni. Deux bébés auraient été guéris d'une leucémie grâce à des lymphocytes T génétiquement modifiés provenant du sang d'un donneur. Jusqu'à présent, ce type d'immunothérapie expérimentale avec des cellules dites CAR-T utilisait plutôt des cellules du patient. Donc, l'immunothérapie avec des cellules CAR-T fait naître de nombreux espoirs dans le traitement des leucémies. Généralement, dans ce type de thérapie encore expérimentale, les médecins prélèvent donc des cellules sur le patient, et les manipulent génétiquement et les réinjectent au malade. Les lymphocytes T du patient sont modifiés afin d'exprimer un récepteur CAR-19 dirigé contre un antigène des lymphocytes B, CD19. Testé dans des essais cliniques, ce traitement n'est pas disponible pour tous. Cette technique a déjà montré des résultats encourageants avec des rémissions chez des patients leucémiques ainsi que dans un cas de cancer du cerveau. Mais la méthode est difficile à mettre en œuvre chez des nourrissons ou des patients déjà lourdement traités. C'est pourquoi des chercheurs ont mis en place un protocole utilisant des cellules provenant du sang d'un donneur et non des malades. Les médecins de l'hôpital Great Ormond Street à Londres pensent avoir ainsi guéri d'une leucémie deux petites filles âgées de 11 et de 16 mois. Leurs résultats paraissent dans la revue Science Translational Medicine. Pour y arriver, ils ont généré des lymphocytes TCAR-19 universels à partir de cellules d'un donneur. Plusieurs modifications génétiques ont été réalisées. L'une d'entre elles devait éviter que le système immunitaire reconnaisse les cellules du donneur comme étrangères. Une autre a permis aux cellules de s'attaquer à celles qui sont cancéreuses. Et une dernière visait à éviter la réponse du patient contre le greffon. Les modifications génétiques ont été réalisées avec le système TALEN. Il fallait voir les détails pour en savoir plus sur assemblagerequis.com, mais le coût de fabrication d'une dose sera d'environ 4 000 $ américains, soit de 10 fois moins que le traitement qui utilise les cellules du patient, qui est d'environ 50 000 $. Toujours chez les bébés, une nouvelle naissance pour une technique controversée. Des médecins ukrainiens ont annoncé la naissance du premier bébé à trois parents, issu d'un couple traité pour infertilité. En 2015, le Royaume-Uni avait autorisé une technique de procréation utilisant l'ADN de trois parents, mais dans le but d'éviter des maladies mitochondriales graves. Le bébé est donc né le 5 janvier et c'est une fille, félicitations. Sa conception a été réalisée par fécondation in vitro et transfert pronucléaire grâce à l'équipe de Valérie Zoukin à la clinique Nadia de Kiev. La maman du bébé, âgée de 34 ans, n'avait pas de maladie mitochondriale mais essayait d'avoir un enfant depuis une dizaine d'années. Elle avait fait 4 FIV, des fécondations in vitro, qui s'étaient soldées par des échecs. La fécondation avait lieu à chaque fois, mais l'embryon a arrêté son développement avant d'être implanté dans l'utérus. Les médecins ukrainiens ont fécondé l'ovocyte de la mère avec les spermatozoïdes de son partenaire et transféré le pronucléus dans l'ovocyte d'une donneuse. L'embryon a été implanté dans l'utérus de la mère, ce qui a donné un bébé dont l'ADN nucléaire, qui est plus de 20 000 gènes, provenait de ses deux parents, alors que l'ADN mitochondrial à 37 gènes venait de la donneuse d'ovocyte. Comme le bébé est une fille, si plus tard elle a des enfants, elle leur transmettra l'ADN mitochondrial de sa deuxième maman. En 2015, le Royaume-Uni avait autorisé les bébés à trois parents dans des cas où les mitochondries de la mère sont porteuses de graves maladies génétiques. En 2016, un bébé à trois parents est né au Mexique. On avait parlé de ça à l'émission. La mère portait le syndrome de Lee, une maladie génétique grave. Mais l'utilisation des bébés à trois parents pour traiter l'infertilité est controversée car on ne sait pas si la technique est totalement sûre, comme dans sécuritaire. Les scientifiques s'inquiètent de voir que la méthode est employée dans des cliniques privées en dehors de toute régulation. En Ukraine comme au Mexique, aucune réglementation interdit cette technique. Enfin, la publicité faite autour de cette nouvelle naissance pourrait inciter des parents qui ont des difficultés à procréer à se tourner vers cette technique. Donc évidemment, controverse de ce côté-là aussi. Toujours en bébé, mais cette fois-ci en bébé animaux, un embryon chimère homme-cochon a été créé par des scientifiques. Pour la première fois, des chercheurs américains ont réussi le développement d'un embryon contenant à la fois des cellules humaines et des cellules de cochon. Le but recherché est de trouver un moyen pour créer des organes utilisables pour des greffes. Alors que les patients doivent attendre des années pour obtenir une greffe d'organes, des chercheurs s'activent pour trouver des alternatives. Certains tentent de mettre au point des protocoles qui permettraient de créer des organes humains dans des animaux afin qu'ils soient utilisables pour des transplantations. Une première mondiale vient d'être réalisée dans ce domaine. Dans la revue Cell, les chercheurs du Salk Institute, oui, à la Jolla, décrivent comment ils ont obtenu une chimère d'embryon contenant à la fois des cellules humaines et des cellules de porc. Le cochon est un animal particulièrement intéressant pour cette recherche car ses organes sont de taille proche de celle des organes humains. De plus, la croissance de cet animal est bien plus rapide que celle des humains puisqu'il est possible, à partir d'une cellule fécondée, d'obtenir un cochon de 100 kg en seulement 9 mois. Plus rapide qu'une liste d'attente pour une greffe. Donc, en France, d'après l'Agence de biomédecine, la durée moyenne d'attente pour une greffe de rein est supérieure à 2 ans. Pour ces travaux, les chercheurs ont testé différents types de cellules souches. Des dizaines de cellules ont été injectées dans des embryons de cochons qui ont ensuite été implantés dans des truies où ils se sont développés 3 à 4 semaines, soit le quart de la durée de la gestation normale pour un cochon. Certaines cellules souches se sont incorporées dans l'animal en croissance. D'après le Washington Post, lorsque les embryons ont été retirés et analysés, les chercheurs ont trouvé qu'environ une cellule sur 100 000 était humaine. Ces cellules humaines étaient réparties en différents endroits dans la chimère. Beaucoup se trouvaient dans les tissus qui allaient donner le cœur, près de 10%. Du tissu. Certaines étaient au niveau des reins et du foie. Ça, c'est 1% ou moins. Quelques-unes se sont développées en précurseurs de neurones, ce qui soulève beaucoup de questions éthiques. Risque-t-on de créer un animal avec une conscience humaine? La part représentée par les cellules humaines était donc faible et le protocole de recherche devait empêcher que l'embryon hybride arrive à maturité. Cette chimère homme-cochon marque une avancée majeure pour créer des embryons animaux contenant des organes humains. Cette semaine, d'ailleurs, une autre équipe de chercheurs a montré dans Nature qu'il était possible d'obtenir un pancréas de souris dans un embryon de rat. Les chercheurs espèrent ainsi qu'un jour, il sera possible de faire pousser des tissus humains dans des animaux de ferme. Les embryons chimères peuvent aussi servir de modèle pour des recherches fondamentales sur le développement embryonnaire. Ils pourraient également permettre de tester des médicaments sans prendre de risque pour la santé humaine. Toujours chez les animaux, la licorne existe! Apparemment qu'on l'a rencontrée. La licorne de Sibérie, un mammifère préhistorique connu depuis plus d'un siècle, aurait vécu plus longtemps que prévu et a donc pu cohabiter avec nous les hommes. Il est vrai cependant qu'elle n'avait pas vraiment l'aspect du cheval élégant des contes de fées. Donc, avons-nous découvert l'origine du mythe de la licorne? Et est-ce un mythe ou une réalité? Ces questions sont légitimes au vu des résultats apportés par une équipe russe qui montre qu'un animal ressemblant à une licorne a vécu sur Terre en même temps que les hommes modernes. Les licornes et les humains auraient donc pu cohabiter à une époque ancienne. Et l'Asmotherium sibiricum, aussi surnommée la licorne de Sibérie, était déjà connue depuis le 19e siècle. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que cette espèce de la mégafaune préhistorique était éteinte, depuis environ 350 000 ans. Mais un crâne bien conservée, mise au jour récemment dans la région de Pavlodar au Kazakhstan, a permis de reconsidérer la période pendant laquelle l'animal a vécu. Des chercheurs de l'Université d'État de Tomsk en Russie ont analysé les restes fossiles d'Elasmotherium sibiricum. D'après leur analyse parue dans la revue American Journal of Applied Sciences, il apparaît que l'animal a vécu des centaines de milliers d'années de plus que prévu, puisqu'il n'aurait que 29 000 ans, ce qui suggère que cette licorne a connu les hommes modernes. Sibiricum ressemblait probablement plus à un rhinocéros velu qu'à un cheval. Ses mensurations étaient de l'ordre de 2 mètres de haut pour 4 mètres de long et son poids approchait des 4 tonnes. Sa corne devait tout de même mesurer environ 1,5 mètre de long. Constituée de kératine, elle pesait vraisemblablement plusieurs kilos. Ses dimensions évoquent le double des rhinocéros actuels. D'après Andrew Spansky, paléontologue et auteur de ses travaux, le crâne analysé appartenait à un animal mâle de grande taille. Je cite, les dimensions de ce rhinocéros sont les plus grandes parmi celles qui sont décrites dans la littérature. Cette découverte met aussi en évidence le rôle qu'aurait pu jouer la région où le fossile a été trouvé dans la préservation de l'espèce. Pendant la période glaciaire, les animaux auraient pu y trouver un environnement plus favorable à leur survie. Et pour terminer, le secret de la taille se révèle. On vient de parler de la taille des licornes, donc continuons là-dessus. Une grande étude internationale ayant porté sur plus de 700 000 individus a permis de découvrir 83 gènes qui influencent significativement la taille d'une personne et qui, de ce fait, pourraient s'avérer de bonnes cibles à viser pour traiter les problèmes de croissance chez l'enfant. Ces résultats qui concernent un trait complexe, déterminé à la fois par la génétique et l'environnement, montrent également que ce type d'étude à grande échelle pourrait permettre d'estimer le risque de développer des maladies complexes, comme le cancer et le diabète, et ainsi d'exercer une médecine de précision qui implique un traitement et une prévention personnalisée pour chaque patient. En 2014, l'étude dont on a trouvé probablement l'acronyme en premier, l'étude GIANT, pour Genetic Investigation of Anthropometric... Genetic Investigation of Anthropometric Traits avait permis d'identifier dans l'ADN d'environ 250 000 personnes 700 changements associés à la taille d'un individu. Ces changements qui étaient fréquents dans la population étaient toutefois situés entre les gènes, soit dans des sections du génome qui ne codent pas pour une protéine. La collaboration internationale qui signe un article dans la revue Nature a cette fois cherché chez 711 428 individus les changements présents spécifiquement dans les gènes qui avaient un effet sur la taille. Les chercheurs de Giant ont ainsi mis en évidence 83 variantes génétiques qui toutefois étaient très peu fréquentes parmi les participants puisque 51 d'entre elles ont été retrouvées chez moins de 5% et plus de 1% des 700 000 participants et les 32 autres chez moins de 1% d'entre eux. Les chercheurs ont par ailleurs remarqué que les variantes génétiques les plus rares, rares voulant dire que peu de personnes en sont porteuses, étaient aussi celles qui exerçaient l'effet le plus puissant sur la taille d'un individu qui les porte. Par exemple, les porteurs de la variante STC2, qui ne représentaient que 0,1% des 700 000 participants, sont environ 2,1 cm plus grands que les individus qui n'en sont pas porteurs, alors que les variantes plus communes exercent un effet 10 fois moindre sur la taille. Les chercheurs ont également observé que les nouvelles variantes découvertes concernent des gènes qui jouent un rôle dans la croissance du squelette. Notamment, ils ont trouvé que les deux formes mutantes rares du gène STC2, qui augmentent la taille de 1 à 2 cm, induisent un tel effet en augmentant la disponibilité de facteurs de croissance dans le sang. Selon les auteurs de l'étude, ça nous montre qu'en augmentant le nombre de participants, il devient possible de mettre au jour des variantes génétiques excessivement rares qui ont fort probablement des effets déterminants sur le trait ou la maladie qu'on étudie. Cette étude, qui a porté sur un trait génétiquement complexe mais facile à mesurer, représente un modèle pour comprendre et étudier les maladies complexes induites par une multitude de gènes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer, entre autres. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com, comme toujours. Il nous reste un petit bloc de CNX à faire dans quelques moments, mais avant ça, on écoute une autre pièce de chiptune. Cette fois-ci, un arrangement qui vient de Donkey Kong Country 3, un de mes jeux préférés au Super Nintendo. Intéressante à mort. En fait, ce qui est intéressant, nous rappelle originalsoundversion.com, c'est qu'il y a deux versions de la trame sonore de Donkey Kong Country 3. La version au Super Nintendo a été écrite par Evelyn Fisher, alors que la version Game Boy Advance a été écrite par David Wise, qui est le même qui avait composé la trame sonore du premier Donkey Kong Country et du deuxième, si je me rappelle bien. Donc, l'arrangement d'une pièce de Donkey Kong Country 3, Hot Pursuit, qui vient de la version sur Super Nintendo par Evelyn Fisher, est maintenant refaite par... Par qui est-ce qu'il est refait? La pièce s'appelle My Monkey Drives the Maserati. La voici à l'instant, tout de suite, dans le Kikan 48.3 MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. C'est par l'artiste JMR et par Strifig, le remix. 89.1 FM. 89.1 FM. La pièce réactive de la trame sonore du jeu Threes sur iOS, c'est sur téléphone, je sais pas si c'est sur Android, peu importe. Mais l'artiste est Time Ayus 222. Il a fait des remixes électroniques de la chanson thème de Threes qu'il adore et que j'adore aussi. C'est un jeu vraiment super le fun. Donc Threes, T-H-R-E-E-S sur iOS. Avant ça, on a entendu une chanson de Donkey Kong Country 3 par JMR et Strifig. Ça s'appelle My Monkey Drives a Maserati. C'est la pièce Hot Pursuit qui l'a inspiré du jeu Donkey Kong Country 3. Maintenant, c'est le segment Geek Cynix. Cynix, la chronique qui parle de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On a mentionné en introduction l'émission la montre connectée qui analyse le ton d'une conversation. Ouais, donc une application intégrée dans une montre connectée qui analyse la tonalité d'une conversation et en déduit l'état émotionnel du locuteur, détendu, anxieux, énervé peut-être. Donc c'est pour aider les personnes souffrant de troubles autistiques qui interprètent difficilement les émotions de leur entourage. Une seule conversation peut être interprétée de différentes façons, discerner les émotions et la tonalité d'un discours comme tout être humain, c'est le pari du système portable en cours de mise au point au laboratoire de sciences informatiques et d'intelligence artificielle, le CSIL, et à l'Institut en ingénierie médicale, l'IMES du MIT aux États-Unis. Dans un communiqué avec vidéo en anglais sur assemblagerequis.com, les chercheurs expliquent que la fonctionnalité de ce système basée sur une application qui peut être intégrée dans une montre connectée ou un bracelet. Les scientifiques l'ont testé sur des participants portant une montre connectée Samsung SimBand, cet appareil qui est capable de recueillir des signaux physiologiques en analysant les modifications physiques telles que le changement de température, de pression artérielle et du rythme cardiaque, mais aussi des mouvements des bras et des jambes. Le système écoute également l'entourage pour analyser le ton, l'énergie et le vocabulaire du locuteur. L'équipe a recueilli 31 conversations de plusieurs minutes et testé deux algorithmes, le premier catégorisant la nature du discours comme triste ou heureux, le second classant des séquences de 5 secondes de conversation comme positive, négative ou neutre. L'algorithme a par exemple analysé de longs silences ou des sonorités vocales monotones, les interprétant comme des propos tristes, tandis que des structures de langage énergique et variées étaient vues comme des discussions gaies. Le système a pu analyser les signaux audio, physiologiques et même des transcriptions de textes pour déterminer le ton général d'un discours ou d'une conversation avec un taux de précision de 83%. Cette nouvelle technologie pourrait servir de coach social aux personnes souffrant notamment du syndrome d'Asperger, un trouble autistique d'origine neurobiologique qui affecte la communication et l'interaction. Leurs travaux seront présentés à la conférence de l'Association for the Advancement of Artificial Intelligence qui se tient à San Francisco aux États-Unis. Parlant de voix, la voix de Freddie Mercury a été décryptée. Le chanteur mythique du groupe Queen est au cœur d'une publication scientifique qui s'est intéressée à ses performances vocales exceptionnelles, dans l'aigu comme dans le grave. Les chercheurs ont trouvé que la voix parlée de Freddie Mercury était plus grave qu'il n'y paraît, plutôt baryton que ténor, et que son vibrato était particulièrement rapide. La voix donc de Freddie Mercury, né en 1946, mort en 1991, le chanteur de Queen a certainement contribué au succès de son groupe en raison de ses capacités étonnantes. Capable de sons graves et profonds, elle pouvait également se faire pure et cristalline dans les aigus. Le chanteur a été classé par le magazine Rolling Stone à la 18e place des 100 meilleurs chanteurs de tous les temps. Sa voix a été décrite comme une force de la nature, avec la rapidité d'un ouragan, dans un article de The Guardian. Mais comment expliquer les performances surprenantes du chanteur? C'est ce que se sont demandé des chercheurs tchèques qui ont étudié la technique vocale de Freddie Mercury grâce à des données acoustiques et des enregistrements. Christian Herbst, le principal auteur de ces travaux, est chercheur au laboratoire de recherche sur la voix de l'Université Palaki d'Olomouc. Il a expliqué à Live Science que le groupe Queen était l'un de ses groupes préférés quand il était adolescent. Ce fut certainement, je cite, « une incitation à la réalisation de cette étude ». Je fais des guillemets dans les airs et ça sert à rien. Dans un article paru dans la revue Logopedics Phoniatrics Vocology, les scientifiques ont examiné différents aspects de sa voix chantée et parlée, ainsi que son vibrato, une oscillation de la voix à une fréquence particulière qui est possible grâce à certains muscles. Les notes aiguës que Freddie Mercury pouvait atteindre laissent penser qu'il était plutôt ténor, mais d'après l'analyse de sa voix parlée dans 6 entrevues du chanteur, les chercheurs ont trouvé qu'il parlait à une fréquence de 117,3 Hz, ce qui correspond à une voix de baryton plus grave qu'un ténor. Ça n'avait pas échappé à la soprano Montserrat Caballé. C'est un nom d'une personne, apparemment, c'est Montserrat Caballé, qui avait chanté en duo avec lui. L'article mentionne des propos de la cantatrice qui avait déclaré à propos de Freddie Mercury, je cite, « Il avait une voix de baryton. Je lui ai dit un jour, faisons un petit duo de baryton et soprano. » Il a dit « Non, non, non, mes fans ne me connaissent comme un chanteur rock et ils ne reconnaissent pas ma voix si je chante dans un baryton. » Un pied baryton. Voilà, c'est tout. J'aime tellement ça dire des mots vite comme ça. C'est tout. On n'a pas le temps pour plus que de nouvelles cette semaine. On garde le reste pour la semaine prochaine. On a tellement de bonnes choses à se dire. On va se quitter avec une pièce musicale qui est un autre arrangement cette fois-ci de type Aquarium. Fernandez, Alebec, Fierabracci, Galas featuring Brad Garce. C'est un arrangement de deux pièces, Bad Taste Aquarium et Red Barrage Area qui proviennent de Sonic the Hedgehog. Et la musique de Sonic Adventure, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Mais pour l'instant, nous, c'est la fin. C'est le moment de se dire au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi entre 15h et 17h. On rappelle, les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et au Palmarès C'est Fou, les mardis de 14h à 17h. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. Merci à Samuel Girard. Et de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Audio Magic s'en vient pour les gens qui nous écoutent mercredi. À la semaine prochaine. Bye bye.